Alors que Banco, la nuit venue, a du mal à dormir et se promène à la cour du château avec son fils, ils sont rejoints par Mark Buss, qui promet à son ami Banco de reparler plus tard des prédictions des sorcières. Banco accepte, pourvu que son honneur ne soit pas en jeu. Et il part avec son fils se coucher. Macbeth à son serviteur. « Va dire à ta maîtresse que quand ma boisson sera prête, elle frappe sur la cloche. Va te mettre au lit. » Le serviteur sort. « Est-ce un poignard que je vois là devant moi, la poignée vers ma main ? Viens, que je te saisisse. Je ne te tiens pas, et pourtant je te vois toujours. N'es-tu pas vision fatale, sensible au toucher comme on l'a vu ? Ou n'es-tu qu'un poignard imaginaire, fausse création, émané d'un cerveau en feu ? Je te vois pourtant, aussi palpable en apparence que celui que je tire en ce moment. Tu m'indiques le chemin que j'allais prendre, et tu es bien l'instrument que j'allais employer. Ou mes yeux sont les jouets de mes autres sens, ou seuls ils les valent tous. Je te vois toujours, et, sur ta lame et sur ton manche, des gouttes de sang qui n'y étaient pas tout à l'heure. Mais non, rien de pareil. C'est cette sanglante affaire qui prend forme ainsi à ma vue. Maintenant, sur la moitié de ce monde, la nature semble morte, et les mauvais rêves abusent le sommeil sous ses rideaux. Maintenant, la sorcellerie offre ses sacrifices à la pâle Hécate, et le meurtre Ave, éveillé en sursaut par le loup, sa sentinelle, dont le hurlement et son cri d'alerte, s'avance ainsi d'un pas furtif, avec les allures du ravisseur Tarquin, et marche à son projet comme un spectre. Toi, terre solide et ferme, n'entends point mes pas, quelque chemin qu'ils prennent, de peur que les pierres mêmes ne jasent de mon approche, et ne retire à ce moment la muette horreur qui lui va si bien. Tandis que je menace, l'autre vit. Les mots jettent un souffle trop froid sur le feu de l'action. La cloche sonne. J'y vais, et c'est fait. La cloche m'invite. Ne l'entends pas, Duncan, car c'est le glas qui t'appelle au ciel ou en enfer.